Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous voici arrivés à la leçon 26. La phrase clé de la leçon est... 次は頑張ろう. Faisons de notre mieux la prochaine fois. Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Elle a reçu aujourd'hui le résultat de son examen de japonais. Après le cours, Anna retrouve son camarade de classe, Rodrigo. Il a l'air abattu. Écoutons de nouveau la leçon 26. La phrase clé est... 次は頑張ろう. Faisons de notre mieux la prochaine fois. Rodrigo, 元気がないね. 試験が... できなかったんです。 私も 60点でした。 次は頑張ろう。 Laissez-moi vous expliquer le sketch. Anna a dit: Rodrigo, 元気がないね. Rodrigo, tu n'as pas l'air en forme. Rodrigo est la façon de s'adresser à Rodrigo. Anna et Rodrigo sont devenus des amis proches. C'est pourquoi elle s'adresse à lui sans utiliser Sam. Un titre honorifique. Genki signifie en forme. Na est la particule qui indique le sujet. Nai est une forme familière de arimasen. Il n'y a pas. Ne est une particule que l'on utilise lorsque l'on cherche à obtenir l'assentiment de la personne à qui l'on parle. La forme familière de arimasen, il n'y a pas, est nai, n'est-ce pas? Mais les deux formes sont complètement différentes. Vous avez raison. Arimas, il y a, se conjugue de façon irrégulière. La forme en nai de arimas est nai. Veuillez le mémoriser. Rodrigo répond. 試験ができなかったんです. Je n'ai pas pu bien faire lors de l'examen. 試験 signifie test, examen, questionnaire. Na est une particule. できなかった. Pas pu bien, n'a pas pu, n'était pas capable de bien faire, est une manière informelle de dire できませんでした. Pas pu bien faire, n'a pas pu, n'était pas capable de bien faire. Et que dois-je dire, à l'inverse, si j'ai été en mesure de bien faire? On emploie la forme au passé de できます. Peut bien faire, être capable de bien faire, qui est できました. On utilise la particule が pour dire qu'on peut ou ne peut pas bien faire. On dit ndes lorsque l'on explique une situation ou une raison. Devant ndes, on doit mettre la forme simple des verbes. Qu'est-ce qu'on entend par forme simple des verbes? La forme simple des verbes fait référence aux formes familières d'utilisation de ces verbes, telles que la forme du dictionnaire ou la forme en ta. La manière polie d'exprimer les verbes est appelée forme polie. Et comment peut-on les distinguer? La forme polie comporte des ou mas. À la fin des phrases. La forme polie des phrases au passé se termine par deshita ou mashita. Je comprends. Ainsi, dekimasen deshita, je n'ai pas pu, est la forme polie, alors que dekinakatta est la forme simple. C'est bien ça? Tout à fait. Sur ce, retournons à notre sketch. Anna dit watashi mo. Moi non plus. Moi non plus, je n'ai pas pu bien faire. Watashi signifie je, moi. Mo est une particule qui signifie, après une phrase négative, non plus, après une phrase affirmative, aussi. 60点でした. J'ai obtenu 60. 60点. Et la combinaison du nombre 60, 60 et de 10. Note. Il faut toutefois faire attention. La prononciation de 60 change lorsqu'il est suivi de 10. でした. Et la forme au passé de des. Une manière polie de terminer une phrase. Anna est genki, joyeuse, même si sa note n'est que de 60 sur 100. Au fait, Adrien, si l'on insère le chiffre 6, roku, devant le deuxième chiffre, c'est-à-dire le chiffre 10, ju, on obtient roku-ju, 60, n'est-ce pas? C'est bien ça. 10, c'est ju. Si l'on insère 2, ni, devant le chiffre 10, ju, on obtient ni ju, 20. De la même façon, 30, c'est 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, et 100 se dit 100. 100 n'est pas facile à prononcer. Veuillez vous exercer à le prononcer en utilisant le modèle suivant. 100. Revenons à notre sketch. Anna dit... 次は頑張ろう. Faisons de notre mieux la prochaine fois. C'est notre phrase clé aujourd'hui. 次 signifie prochain. Elle parle du prochain examen. Wa est la particule qui indique un sujet. 頑張ろう signifie faisons de notre mieux. C'est une des façons de conjuguer 頑張ります. Je ferai de mon mieux. Dans ce cas-ci, Anna suggère que Rodrigo et elle devraient faire de leur mieux lors du prochain examen. On peut aussi utiliser cette expression pour se convaincre qu'on fera mieux la prochaine fois. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 26. La phrase clé aujourd'hui est... 次は頑張ろう. Faisons de notre mieux la prochaine fois. Rodrigo, 元気がないね. 試験ができなかったんです。 私も 60点でした。 次は頑張ろう。 Voici maintenant notre rubrique Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Nous avons appris aujourd'hui la forme conjuguée du verbe gambaro. Veuillez nous en dire plus à ce sujet. Posons la question à notre professeur. Gambaro. Faisons de notre mieux ou je ferai de mon mieux est une des formes impératives du verbe. Elle exprime la volonté du locuteur. On l'utilise aussi pour inviter l'interlocuteur à faire quelque chose avec nous ou pour l'inciter à faire quelque chose. On ne l'emploie pas avec nos supérieurs. Laissez-moi vous expliquer comment on met les verbes de forme « mas » à la forme impérative. D'abord, si la syllabe qui précède « mas » se termine par « e », on remplace « mas » par « yo ». Par exemple, « tabemasu. Manger devient « tabeo. Mangeons. Je vais manger. Ensuite, si la syllabe devant mas se termine par i, il y a deux modèles. Dans le premier modèle, on remplace mas par yo. Okimasu. Se lever devient okio. Levons-nous, je vais me lever. Shimasu. Je fais devient shio. Faisons-le, je vais le faire. Dans le deuxième modèle, on enlève mas. On remplace la voyelle « i » de la syllabe placée juste devant « mas » par « o » et on ajoute « u ». Prenons par exemple « gambarimasu ». « Je ferai de mon mieux » dans le sketch d'aujourd'hui. Il devient « gambaro ». « Faisons de notre mieux, je ferai de mon mieux ». Il faut faire attention cependant. Il se prononce « gambaro ». Même si on l'épelle « gambaro-u ». Il y a une exception. « Kimasu ». « Venir » devient « koyo ». C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. C'est un bébé qui pleure fort. En japonais, on l'exprime ainsi. Onya, onya. Et lorsque le bébé devient enfant, il pleure de la façon suivante. En, en. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons fait découvrir « Onya, onya » et « em, em ». Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». Rodrigo a obtenu 80 à l'examen. Il a fait beaucoup mieux que moi. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter pour lui. La leçon 26 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était... 次は頑張ろう. Faisons de notre mieux la prochaine fois. Dans la prochaine leçon, Anna rendra visite à Sakura dans sa chambre. Ne manquez pas cette leçon.